Un clou chasse l'autre. Ce soir, c'est la veille de Noël. Faustine fait quelques courses puis rentre chez elle en passant par le garage. Si elle continue à rouler sur la réserve, elle va finir par tomber en panne. Après avoir fait le plein, elle taille une bavette avec Victor, le patron. Elle lui confie que ses parents sont partis, tous ses voisins aussi, et qu'elle s'apprête à passer la soirée seule, sans télévision ni radio. Victor compatit. Il voudrait bien proposer quelque chose, mais le temps de s'exprimer, un jeune homme, qui buvait un verre avec des copains, se lève et s'approche. Il s'adresse à Faustine. « Bonsoir, j'ai entendu votre conversation. »« Nous ?» il désigne les gars. « On va faire le réveillon chez ma sœur. Si ça t'intéresse de venir, on sera juste quelques jeunes. »« Pourquoi pas? C'est chouette de proposer. C'est loin? J'apporte une bouteille ?» La bouteille, si tu insistes. Mais on aura assez. C'est pas loin, un Cabris, si tu connais. Mais je viens te chercher ici, si tu veux. À 20h. Oui, avec plaisir. Et merci. Sur un clin d'œil à Victor qui lui fait un signe « Tu peux y aller, je les connais », Faustine quitte la compagnie pour aller se préparer. Effectivement, ils sont une bande de jeunes et ils rigolent bien. Entre eux, les trois ou quatre filles présentes sont toutes aux petits soins pour leurs copains. Attention, pas touche. Quant aux garçons célibataires, ils sont timides et ou acnéiques. Mais que fait Faustine dans cette galère? Tout ça parce qu'elle avait peur d'être seule? Elle n'a rien à partager, n'intéresse personne. Elle n'a pas non plus les mêmes goûts musicaux. Impossible de régater avec le jazz des années 30. Ils ne savent même pas que ça existe. Ils n'en ont pas plus entendu parler que de Georges Simenon ou de Maupassant. Son quota de patience épuisé, Faustine trouve un prétexte pour fuir cette galère qui a tout de même eu l'avantage de la distraire un peu et de la nourrir au moins physiquement. Elle remercie, salue à la ronde et rejoint sa voiture. Qu'on est bien chez soi finalement. Le mercredi suivant, Faustine, arrivée en avance à son rendez-vous avec Maxime, attend au soleil devant le restaurant. Il fait doux pour un mois de décembre. Maxime la suit de peu dans un très beau coupé décapotable gris métallisé. Faustine, toujours esthète, fidèle à ses origines italiennes, apprécie. La jeune femme se réjouit de ce dernier rendez-vous en tête-à-tête. C'est toujours intéressant de parler d'égal à égal avec quelqu'un d'expérimenté qui ne la connaît pas et ne la considère pas comme quantité négligeable. Lui, au moins, ne sait pas tout d'elle, et comme ils ne se parleront plus jamais, de cette manière intime, elle peut en profiter pour s'exposer sans crainte, et se confirmer au passage qu'elle n'a rien à regretter, que cet homme-là n'est pas le bon, que de toute façon ça n'aurait pas pu fonctionner entre eux. Sur ce point, pour le moment, elle est troublée, intriguée, et dans l'expectative la plus totale. Cette fois, à sa demande, Maxime lui raconte son enfance. Il a ri, très jaune, quand Faustine lui a demandé s'il avait fait la guerre. Elle voulait dire « vécu pendant » ou « était déjà né au moment de » mais sa langue avait pris un raccourci. Mais oui, de fait, puisqu'il a vu le jour en novembre 41. Il explique rapidement. Sa mère, Angèle, est originaire de Saint-Junien, près de Limoges. Son père, Marcel, qui a fui l'Arménie en 1915, l'a rencontré alors qu'il partait rejoindre son bataillon dans le Nord. Après l'armistice, ils se sont revus, aimés, mariés, puis ont rejoint Paris. Marcel est électricien. Plus tard, il se mettra à son compte. Maxime est né. La guerre se prolongeant, la jeune maman redescend dans sa famille avec le bébé, loin des restrictions. Maxime continue son récit. Peut-être qu'Angèle aurait mieux fait de rester à Paris tout compte fait, tant le danger rôde partout en France. Ce 10 juin 1944, Maxime, 3 ans, gazouille, bien arrimé sur le vélo de sa maman. Il fait beau, les oiseaux chantent, et Angèle pédale vigoureusement en direction d'Oradour-sur-Glane, pour se réapprovisionner en pain. Heureusement pour eux ce jour-là, le vent souffle dans leur direction. À 3 kilomètres du but, ils entendent des hurlements, des chocs et des craquements sinistres qui ne laissent aucun doute sur la gravité de la situation. La jeune Angèle ne demande pas son reste. Elle fait marche arrière, fissa. Faustine frémit. Si Zéphir était venu depuis l'autre côté, Maxime ne serait pas là aujourd'hui. Tout ça, c'est de l'histoire vivante pour Faustine qui écoute intensément, transmise par Maxime, c'est presque aussi intéressant que la vache et le prisonnier ou la traversée de Paris. À son tour, elle partage ce qui l'enthousiasme, surtout sa passion des voyages. Elle raconte son expérience sur les camions, évoque vaguement Bernard. Elle parle de son désir de travailler à l'étranger, faire les vendanges, cueillir des olives ou des oranges, monter une entreprise avec l'homme de sa vie éventuellement, comme papa-maman. Ça ne lui déplairait pas d'élever ses enfants tout en travaillant à la maison. Maxime approuve et lui souhaite sincèrement de trouver son bonheur. L'heure du déjeuner a passé bien vite encore une fois. Ils se séparent néanmoins définitivement, à regret, mais soucieux de respecter leurs promesses coûte que coûte. Faustine ne le vit pas trop mal. Après tout, ne pas fréquenter le chef d'orchestre ne lui interdit pas d'aller l'écouter. Alors que Faustine, retournant à l'atelier, fait un détour par chez elle, Mathieu, le fils de sa propriétaire, sortant de dessous sa voiture, l'interpelle. « Salut Faustine, dis donc, je vais chez des amis à Bologne le 31 au soir, tu veux venir ?»« Salut Mathieu !»« Ben non, malheureusement, je suis piqué à l'atelier. » « Je ne peux pas partir comme ça, désolé. »« Tant pis, ciao, bonne année !» Faustine n'a pas fait 50 mètres qu'elle s'invective. « Quelle conne, mais quelle conne !» Depuis le temps que son œil attentif a repéré le jeune homme qui, jusqu'à aujourd'hui, timidité, aveuglement, l'ignorait totalement. Elle n'espérait qu'un signe de sa part pour faire un peu mieux connaissance, et voilà qu'elle laisse passer cette chance unique. Ah, mais je vous jure, il y en a qui sont vraiment bouchés à l'aimerie. En plus, il a tout pour plaire. Fils unique, provisoirement célibataire, travailleur ayant voyagé et parlant plusieurs langues, habitant chez sa mère qui lui lèguera la maison, beau ténébreux comme elle les aime, brun, grand, mince, doté, entre autres d'une paire d'yeux magnifiques, avec un peu de chance, il sera même intelligent. Bon, comment faire pour attraper le coup, se dit la jeune femme, réfléchissant à une stratégie. Faut que j'appelle les parents. Aussitôt dit, aussitôt fait, et miracle, elle parvient à les joindre dans leur bled des Grisons. Ils acceptent que Faustine parte 2 jours, à condition que M. Gérard, leur homme à tout faire, veuille bien la remplacer. Oh, que la voix de Faustine est douce, faucuve, hein, lorsqu'elle téléphone au brave homme qui donne son accord sans hésiter. Il ne reste plus à la jeune femme qu'à ravaler sa fierté pour relancer Mathieu, en priant qu'il n'ait trouvé personne d'autre dans l'intervalle. Bah, toi, quand tu sauras ce que tu veux. Faustine accepte volontiers le sarcasme. L'affaire est dans la poche. Ne reste plus qu'à boucler son sac, trouver une bouteille de vin correcte chez ses parents, échanger quelques francs en lire. Alors qu'elle remonte de la cave avec la bouteille empruntée, le téléphone sonne à l'appartement. À sa grande surprise, Bernard, son fiancé qui n'avait plus donné signe de vie depuis sa visite du mois de mai, est au bout du fil. « Salut, comment ça va ?»« Bien, et toi, qu'est-ce que tu deviens ?» Rien de spécial, je bosse, je bosse. Tu fais quoi pour le réveillon? Ben, j'ai été invitée par mon voisin. On part en Italie ce soir. Ah, dommage, je pensais descendre quelques jours. Benny, écoute, je suis désolée, mais j'ai rencontré quelqu'un. Je vois. Tant pis pour moi, alors. Mais ne le prends pas mal. Et bonne année quand même. Ainsi s'achève une belle histoire d'amour. Pendant un bref instant, Faustine se sent terriblement coupable. En même temps, le lavage du cerveau opéré par maman d'une part, et les nuits passées à pleurer de solitude d'autre part, font qu'aujourd'hui son deuil est accompli, voire dépassée. Austin n'y pense déjà plus, alors qu'elle court à la rencontre de lendemains heureux. Elle a assez souffert. Maintenant, elle veut vivre. De lourds nuages gris-noirs s'amoncellent sur la Méditerranée, tandis qu'ils prennent la route ce vendredi soir après le turbat. Mathieu pense que pour faire les 600 et quelques kilomètres qui les séparent de Bologne, en roulant bien, ils devraient arriver vers 23 heures. Ils ont rendez-vous dans la périphérie chez des amis qu'il a connus lorsqu'ils dirigeaient ensemble un restaurant à Berlin. Italiens d'origine, ils sont rentrés au pays fortune faite et viennent de faire construire un petit hôtel. Les travaux étant quasiment finis, ils ont invité Mathieu pour l'inauguration. La petite BMW rouge fonce sur l'autoroute en direction de Vintimille. Faustine n'aurait pas pensé que ce serait un tel tape-cul. Pourquoi ont-ils enlevé les amortisseurs? Ouais, on a l'impression d'être assis par terre à force de sentir chaque chaos. Même sa 4L est plus confortable. En plus, voilà qu'il se met à neiger à gros flocons. Demi-heure plus tard, la tempête fait rage. Faustine, qui ne conduit pas, admire la valse des flocons se précipitant à la rencontre du pare-brise. Dans la lumière jaune des réverbères qui se succèdent, c'est de toute beauté. Jusqu'au moment où Mathieu ne voit plus rien. Entre Turin et Parme, le pauvre garçon doit sortir du véhicule tous les 500 mètres pour dégager son pare-brise. Gentleman, il refuse l'aide de sa coéquipière. L'atmosphère est fantasmagorique. Il est tombé 10 cm de neige en moins d'une heure. Les autres devaient être au courant, car à part eux deux, il n'y a personne sur l'autoroute. Ou alors ils se cachent dans le brouillard. Nos deux voyageurs mettent 3 heures de plus que prévu pour arriver à Bologne. Dès qu'ils entrent dans la ville, Faustine exige qu'on s'arrête 5 minutes dans un troquet. Il y a urgence. Et là, la jeune femme se rend compte qu'elle est rattrapée par sa féminité. Merde, c'était pas prévu ça. Les chaos, le froid, la route, la fatigue, et elle qui n'a rien pris pour faire tampon. Bon, elle se débrouille avec les moyens du bord, demain elle avisera. Les amis de Mathieu n'en sont plus à leur première bouteille quand Faustine et son compagnon de route arrivent enfin. Bonne année! Les présentations sont vite faites. Deux couples, une laissée pour compte. Un bouchon saute, on réchauffe 3 pattes et nos vedettes n'ont plus qu'à traverser la rue pour prendre possession de leur chambre. Il est 3 heures du matin. Le propriétaire en personne les précède leur ouvrant la porte de son hôtel flambant neuf. Faustine et Mathieu sont les premiers clients et les seuls. « Hey Matt, why do I single o la suite nuziale ?»« La nuziale. » Aïe! Traduction. Et Matt, tu veux 2 singles ou la suite nuptiale? La suite nuptiale, bien sûr.